Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin. Le mois de janvier touche à sa fin, les jours rallongent, le froid est vivifiant et la neige abondante. Un temps parfait pour suivre René Descartes dans sa pièce chauffée par un poêle, où il se réfugie pour, dit-il, s'entretenir avec ses pensées. De ses réflexions naîtront le discours de la méthode, publié en 1637. À cette date, Molière a 15 ans, Blaise Pascal 14 ans, et les lettres françaises sont sur le point de s'ouvrir au plus grand nombre. Descartes initie ce mouvement et entraîne une révolution de la pensée, dont l'héritage pèse encore aujourd'hui sur nos épaules françaises. Alors comment le discours de la méthode nous éclaire-t-il sur cette fameuse méthode cartésienne? Et en quoi est-elle le lieu de bien des malentendus aujourd'hui? Nous avons jusqu'à jeudi pour faire le point sur nos esprits cartésiens. Je crois que la définition « être cartésien » est une définition très vague. Être cartésien, pour le sens commun, c'est être bien raisonnable, bien classique, pas fantaisiste pour deux sous. À 18 ans, on n'est pas toujours cartésien, on est encore adolescent. Vous autres, les Français, vous êtes tous cartésiens. Nous sommes un pays logique, nous sommes un pays cartésien et c'est un peu une catastrophe pour nous. Une sorte de rétrécissement du champ de pensée cartésien. Oh bah évidemment, avec son esprit cartésien, il ne va pas faire de concessions. Le Français cartésien? Il est cartésien avant Descartes. Cartésien ou slave? Nous sommes tous des cartésiens. C'est pas ça du tout, être cartésien. Parce que d'être trop cartésien, trop logique, ça a beaucoup d'inconvénients. Bonjour Marie-Frédéric Pellegrin. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à la faculté de philosophie de l'université de Lyon 3. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, l'un sur Paulin de la Barre, dont était venu nous parler il y a quelques mois à ce micro. Une édition des Méditations métaphysiques de René Descartes, qui est au programme de la Grecque cette année. Et c'est avec vous que nous allons commencer cette série sur le discours de la méthode de René Descartes. Un grand merci à Nicolas Berger qui a passé des heures à écouter des archives pour retrouver toutes les occurrences du mot cartésien. Est-ce qu'une spécialiste de Descartes est forcément cartésienne, Marie-Frédéric Pellegrin? Alors, à condition que l'adjectif n'ait pas le sens un peu négatif qu'on a entendu dans la plupart des phrases citées. C'est vrai que c'est un adjectif qui est censé définir beaucoup de choses. Un certain esprit français, une certaine logique. Alors tout ça pourrait être positif, mais en même temps, surtout si on associe le français au moderne, hein, je me réfère ici implicitement à la querelle des anciens et des modernes, dont Descartes est souvent considéré comme le précurseur, mais en même temps, effectivement, dans l'illustration sonore que vous avez proposée, on voit bien que ça a souvent un sens un peu négatif, et c'est lié à l'étroitesse d'esprit, hein, comme si être méthodique nous fermait des voies. Alors, quand on lit le discours de la méthode, on a l'impression que c'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a de grands chemins qui vont s'ouvrir grâce à cette méthode. On était dans l'étroitesse et quasiment dans l'impasse avant la méthode. Donc, je trouve intéressant le destin contrasté de cet adjectif cartésien. Mmh. On en est en même temps un peu fier. Parce que l'ordre, la logique, c'est quand même lié à la maturité intellectuelle. Un des intervenants disait, quand on est jeune, on peut pas être trop cartésien. Et c'est vrai que le cartésianisme, c'est une philosophie qui se pense comme autonomisation et passage à l'âge adulte. Hein. Avant, malheureusement, dit Descartes dans le discours, on peut pas vraiment raisonner tout seul quand on est enfant. Donc, voilà, c'est positif, c'est une forme d'autonomie. Et en même temps, effectivement, on a l'impression dans les extraits qu'on entendait que être cartésien, être méthodique, être logique nous empêchait d'imaginer, de rêver, d'aimer la poésie. Alors ça, c'est méconnaître Descartes. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais chez lui, évidemment, on sait tous que le rêve a une grande, grande place philosophique. Et la poésie également. Parce que quand il va nous faire le récit de ses études en disant qu'elles n'ont pas été aussi fructueuses qu'il l'espérait, il faut faire un sort à la poésie et au rôle de la poésie chez Descartes. Il adore la poésie et elle est fondatrice de son cheminement philosophique. D'autant que l'ordre qu'il suit dans ce discours de la méthode n'a rien de méthodique, il s'agit plutôt d'un récit parfois autobiographique, même à la première personne. Absolument. Là, je pense que c'est la première chose qu'on doit souligner, c'est l'originalité formelle de cet ouvrage. À quel genre appartient-il exactement? Est-ce que c'est une autobiographie de philosophe? Soit, mais une autobiographie de philosophe qui est essentiellement intellectuelle, tout en racontant des anecdotes de sa vie, tout en proposant une réforme complète de l'esprit, un programme philosophique et scientifique complet. C'est un objet unique, unique dans la pluralité de ses visées. C'est-à-dire que si je prends paramètre après paramètre, on a déjà écrit « je » avant lui, et en étant philosophe. On a déjà écrit en français avant lui, et en étant philosophe. On a évidemment déjà écrit des traités de méthode. On a déjà, comme Bacon, fait des grandes annonces sur la science nouvelle. Mais tout ça réuni, il n'y a que lui qui le fait. Mmh. Et il le fait d'une manière qui est aisée, fluide, mêlant l'intime, le projet collectif, l'homme seul, le besoin de soutien, d'une manière littérairement inégalée. Il ne faut pas qu'on se lasse de ce texte parce qu'on a tous l'impression de le connaître. On a tous l'impression... Même quand on l'a pas lu. Exactement. Alors ça veut bien dire que les Français ont l'esprit cartésien malgré tout, que c'est une culture infuse, le cartésianisme peut-être. En tout cas, voilà, il faut relire ce texte avec en mémoire toute cette originalité qui en fait un précipité unique de l'histoire de la philosophie. Et on va prendre le temps cette semaine d'écouter cette langue si particulière de Descartes, car vous l'avez bien dit, lire Descartes est aussi une expérience en soi. C'est écrit en français, et on peut le lire dans un français qui n'est pas un ancien français, mais on ne sait jamais si le sens des mots correspond à celui que nous avons aujourd'hui. Et c'est vrai que le texte s'adresse autant à l'imagination qu'à la raison. Encore un point sur ce jeu de Descartes, vous l'avez dit, ce n'est pas le premier à dire jeu en philosophie, on peut penser à Augustin, à Montaigne. Alors quelle différence entre le jeu de Descartes et le jeu de ceux qui l'ont précédé? Oui, ça c'est un point important. Quand on lit le discours de la méthode, on ne peut qu'être frappé par les emprunts, les résonances par rapport aux essais de Montaigne. Mais justement, ce qui est fascinant, c'est de reprendre des thèmes montagniens, reprendre des manières de s'exprimer montagniennes et d'en faire à peu près le contraire philosophiquement. C'est-à-dire tout de même un discours de la méthode. Ce qui est le contraire, évidemment, de l'esprit de Montaigne qui est sans méthode. Et c'est même décrire l'être humain, c'est décrire un être sans méthode. Descartes reprend ce jeu, dit jeu, mais pour dire exactement le contraire. C'est-à-dire que non, dans la vie n'est pas un désordre, la vie n'est pas une promenade avec des fluctuations imprévues un récit d'une âme un peu toujours en déséquilibre. Non, là, on peut emprunter des chemins qui soient clairs, qui nous mènent vers quelque chose. Enfin, si la vie est aussi des promenades, mais on peut choisir un seul chemin. C'est ça que nous dit Descartes, parce qu'il fait quand même le constat d'une forme de perdition de l'homme ici-bas qui ne sait pas trop où se diriger. Il lui dit, en fait, il y a un moyen de se diriger, c'est de suivre cette méthode. Absolument. Donc la métaphore du chemin, évidemment centrale, ne serait-ce que par l'étymologie du terme méthode odos, odos le chemin en grec, mais c'est vrai que chez Descartes, il ne faut pas croire que le chemin est absolument droit. Hein, ça dépend des moments, de notre maturation intellectuelle, ça dépend des objets auxquels on s'intéresse. Mais l'idée, quand même, c'est, dans ce discours, de quoi va-t-on discourir? Qu'est-ce qu'on va affirmer? On va affirmer que moi, René Descartes, j'ai quand même à trouver un chemin qui est pas mal. Ouais. Et donc, je ne conseille sans doute pas à tout le monde, mais j'aimerais bien quand même vous décrire mon cheminement, parce que moi, il m'a apporté tellement de choses, hein, que effectivement, paradoxalement, ce jeu cartésien est à l'opposé du jeu montagnien finalement. Et j'aimerais bien que tout le monde me lise aussi. Il y a quand même ce souci d'être lu par le plus grand nombre. On trouve dans une lettre au père Vattier du 22 février 1638, Descartes parle de l'ouvrage qu'il est en train d'écrire, le discours de la méthode, il dit « Et ses pensées ne m'ont pas semblé être propres à mettre dans un livre où j'ai voulu que les femmes même puissent entendre quelque chose et cependant que les plus subtils trouvent associé assez de matière pour occuper leur attention. » Bon, effectivement, donc il y a les femmes, il y a les esprits plus subtils, les deux n'appartiennent pas au même corps visiblement, il y a quand même ce souci de pouvoir s'adresser, pas simplement aux universitaires et aux scolaires. Oui, c'est un avis. C'est une préface, c'est un manifeste, hein, ce texte. Donc quand vous écrivez une préface ou un manifeste, vous n'avez pas intérêt à seulement vous adresser au docteur subtil de la Sorbonne. On a la constitution indéniablement avec ce texte d'un nouveau public pour la philosophie, c'est quand même pas rien. Cette idée que la philosophie sort de l'université, sort du latin, sort des docteurs subtils, enfin c'est quelque chose de tout à fait neuf. Donc de nouveaux publics, des publics cultivés qui connaissent pas forcément le latin, et même, c'est vous dire si Descartes est accueillant, les femmes. Même les femmes. Évidemment, moi j'adore cette petite citation de la lettre à Vatier, mais je pense qu'elle dit beaucoup. Elle dit beaucoup, évidemment, de l'annonce et du premier paragraphe du discours de la méthode. C'est pas une captation de pour le lecteur purement rhétorique. Il y a vraiment un enjeu. Hein. Qui, pour qui est cet ouvrage? Eh bien, pour tout le monde, puisque nous avons tous du bon sens. Donc, je pense que là, quand même, il y a un effet de voilà, il y a la volonté de créer un nouveau public pour la philosophie qui détermine une nouvelle philosophie dite moderne, quand même. Ça tombe bien, ce nouveau public est présent. Il vous écoute, Marie-Frédérique Pellegrin. Il fait partie des auditeurs des Chemins de la philosophie. On va lui proposer un premier extrait du discours de la méthode. Il s'agit d'un des textes les plus célèbres de ce discours qui affirme que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. On l'écoute, lu par Thibaut de Montalembert, et puis vous nous direz ensuite comment peut-être ce texte a pu faire l'objet de beaucoup de malentendus, parce qu'en fait on ne sait pas trop ce qu'on entend par bon sens ici. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent, mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Et ainsi, que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus. Et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s'ils suivent toujours le droit chemin, que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent. Si ce texte vous paraît obscur, en voici une traduction par Coluche. Mais c'est formidable avec la connerie, parce que c'est comme ça, ça s'appelle, c'est Descartes d'ailleurs, c'est un philosophe, enfin il est mort, on le compte pas, hein. Il disait que l'intelligence c'est la chose la mieux répartie chez les hommes, mais pas parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge, hein. C'est ça le piège. Ah non mais, je le dirai à Descartes, hein, que vous l'avez applaudi, ça va lui faire plaisir. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et Coluche, à la suite d'un texte du discours de la méthode de René Descartes qui va nous accompagner jusqu'à jeudi, cette semaine, lu par Thibaut de Montalembert. Alors Marie-Frédérique Pellegrin, le bon sens, Coluche parle de l'intelligence, est-ce que ce sont deux synonymes? Alors, dans le texte, vous avez remarqué qu'il substitue le mot raison au mot bon sens. Hein, donc visiblement, pour lui, c'est au sens de raison qu'il faut prendre bon sens. Donc après, effectivement, il faut réfléchir à ce avec quoi, quel type de faculté on utilise, ce avec quoi on travaille intellectuellement. Hein. Il y a évidemment la raison, il y a aussi la volonté, l'imagination, les sens. Donc en réalité, il va falloir faire jouer tous ces éléments pour décider du chemin et qu'on va parcourir et de l'ampleur qu'il va prendre. Je ne m'attendais pas à un commentaire, une exégèse de Descartes par Coluche, et je la trouve extraordinaire parce que, en effet, le début de la première phrase est très accueillant. Nous sommes tous intelligents, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Mais Coluche a vu que ça se gâte par la suite, parce que nous sommes tous intelligents, parce que nous sommes tellement bêtes que nous ne voulons pas plus d'intelligence que ce que nous avons naturellement. C'est un excellent résumé du texte. Alors, du coup, ça devient exactement. La deuxième phrase jette le doute sur la première. La deuxième partie de la phrase jette le doute sur la première partie. Est-ce qu'il se moque de nous? Est-ce que c'est ironique? Est-ce qu'en fait, on n'a pas tous du bon sens? Troisième mouvement dans la phrase, rééquilibrage à nouveau. Non, la raison est bien naturellement égale en tous les hommes. Donc de nouveau, on est bien accueilli, on est optimiste, on se dit qu'on va tous pouvoir un petit peu philosopher décemment. Et après, fin du paragraphe, on nous explique pourquoi il y a cette espèce de déséquilibre, enfin d'équilibre instable entre le fait que nous sommes tous doués de bon sens et qu'en même temps, c'est quand même bizarre qu'on n'en veuille pas toujours un peu plus. L'intelligence, la raison, c'est une qualité naturelle, mais tout dépend de la manière dont on l'utilise, bien sûr. Et pour ça, il nous faut une méthode. Et je pense que cette fin de paragraphe dit l'essence de la méthode cartésienne. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Descartes ne varie jamais sur ce point, même si j'ai une intelligence médiocre, car de fait, nous ne sommes pas tous aussi intelligents, je pense, pour Descartes. Il y a différents types d'esprits, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est la volonté de progresser. Donc, il faut vraiment garder cet équilibre entre les deux facultés principales de l'intelligence, de l'esprit humain, excusez-moi, l'intellect, l'entendement et la volonté. En effet, si je prends un chemin, eh bien, regardez, peut-être que je vais marcher fort lentement et on a même intérêt à aller tout doucement, ne pas se précipiter. Ça, c'est l'obsession de Descartes. Hein, la précipitation et la présomption sont les deux forces qui font que immanquablement je vais me tromper. Donc, il faut aller tout doucement, hein, même si j'ai le cerveau un peu embrumé, même si je suis pas malin. Mais on peut y arriver grâce à cette méthode. Donc, finalement, je ne suis pas d'accord avec Coluche. Je crois que la fin du paragraphe nous montre bien quel est l'enjeu. Hein. On a tous du bon sens. Alors, juste, je la relis, la fin. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus. Et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent. C'est une affaire de tempo, de vitesse. Et ça, la métaphore de la marche revient tout au long du discours de la méthode. 2, il ne s'agit pas de marcher rapidement, il ne s'agit pas de bien marcher, mais il s'agit d'aller sur le droit chemin. En clair, ce qui importe, c'est la direction à suivre, plus que les facultés physiques dont nous sommes dotés pour avancer. Absolument. Donc, il y a quand même un très bon accueil qui nous est fait, puisqu'on inclut même les gens d'intelligence médiocre dans ce premier paragraphe. Alors, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, mais pourquoi dit-il que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée si finalement il dit que nous ne sommes pas également dotés de ce bon sens ou de cette raison? Alors, nous en sommes également dotés, mais nous en faisons généralement un mauvais usage, faute de méthode. Donc il y a vraiment toujours ce balancement entre égalité naturelle, mais en réalité, difficulté dans les accomplissements de chacun, parce que... dans les accomplissements de chacun, des inégalités se révèlent. Hein. Donc ça, c'est le schéma global du discours de la méthode. Donc nous sommes naturellement égaux, mais nous ne savons pas tous nous servir de notre raison. Ça, c'est ce que dit le premier paragraphe. Ouais. Hein, si on voulait gratouiller et raffiner, on trouverait quand même une certaine forme d'inégalité intellectuelle chez Descartes, parce qu'il y a quand même une caste d'esprit supérieur qui est très très rare. Descartes dit qu'il a lui-même rencontré une seule de ce type, une seule personne de ce type, c'est Élisabeth de Bohême. Donc là, il y a vraiment des gens supérieurement intelligents, mais bon, c'est très rare. La plupart des gens sont inclus, hein, sont totalement inclus dans ce premier paragraphe. Et moi, j'insiste sur le mot « égal ». Il y a une forme d'égalité qui est très accueillante et qui, encore une fois, nous détache décisivement des docteurs subtils de la Sorbonne. D'où la nécessité d'une méthode, elle est ainsi formulée, parce que la méthode est la seule chose qui peut nous permettre d'utiliser à bon escient cette intelligence avec laquelle nous sommes nés. Donc l'enjeu du texte est ainsi clairement défini. Exactement. C'est-à-dire que dès le premier paragraphe, je sais pourquoi j'ai besoin de lire ce livre. Pas parce que je ne suis pas intelligent, mais parce que j'utilise mal mon intelligence. Au moment où Descartes publie ce livre, est-ce qu'il est déjà connu de ses lecteurs ? Il n'est pas connu et vous vous souvenez qu'il le publie anonymement en Hollande. Pour autant, on sait parfaitement qui a écrit ce texte et il ne manque pas de l'adresser à toutes les personnes influentes. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de dédicace dans cet ouvrage, alors que ça se fait énormément à l'époque, ne serait-ce que pour se mettre sous la protection d'un puissant. Donc, anonyme, en Hollande, publication hollandaise, pas de protecteur explicite grâce à une préface, mais il l'envoie au roi, il l'envoie à Richelieu, il l'envoie à tous les savants français et hollandais, notamment tous les mathématiciens et géomètres, puisqu'il y a un aspect, c'est un aspect important du texte. Et donc, finalement, tout le monde sait qui en est l'auteur, hein, avant même qu'il ne divulgue son nom. Alors grâce à Mersenne, grâce à Guez de Balzac, Descartes est déjà introduit dans les cercles lettrés français. Donc pourquoi anonymement il veut se protéger de quelque chose ? Alors ça, c'est vraiment un deuxième élément tout à fait passionnant concernant ce texte, hein, et sa spécificité comme texte lui-même, hein, à la fois dans la forme et dans le fond. C'est que on a quand même un programme, on l'a dit, un tract, disent certains, et je suis d'accord avec ça, un tract programmatique. Donc, on veut faire connaître la science nouvelle. On veut renoncer à d'anciens modèles. Donc, il faut qu'on soit très explicite, qu'on touche le plus grand public, le français, etc. Mais en même temps, effectivement, Descartes ne renonce pas tout à fait à sa devise d'avancée masquée. C'est-à-dire que il faut que j'en dise un peu, mais pas trop. Ah, c'est compliqué, vous voyez, du point de vue de la forme, d'en dire un peu, mais pas trop. C'est-à-dire que je veux montrer qu'il se passe quelque chose. Je veux montrer que je fais partie, voire même que j'initie cette nouveauté, ce nouveau visage de la philosophie et de la science. En même temps, je ne signe pas mon ouvrage. Parce que il faut avancer subtilement. Il faut avancer, peut-être pas dissimuler. Hein, je ne suis pas tout à fait pour la thèse qui fait de Descartes vraiment quelqu'un qui aurait avant tout une culture libertine de la dissimulation. Il y a quelque chose de franc et de clair dans ce texte. Mais enfin, il y a eu les condamnations de Galilée, il y a eu tout un tas de choses qui font que un manifeste en faveur de la science nouvelle, ça se prépare petit à petit, ça s'annonce posément. Et de ce point de vue-là, le discours de la méthode n'est pas un traité de la méthode. Et finalement, Descartes nous annonce certains éléments de sa doctrine, certains éléments de sa méthode, mais pas tout. Peut-être on pourrait insister sur le fait que dès le début du texte, il présente cet ouvrage comme une fable. Oui. Alors ce mot fable est important chez Descartes. Il l'a déjà utilisé dans son ouvrage non publié « Le Monde ». Hein, et il s'était dit que rhétoriquement, ça pouvait être un bon moyen de passer la censure que de dire « Attention, le monde et la nouvelle physique qui l'accompagne, que je vais vous présenter, c'est une fable, c'est un monde fabuleux, ce n'est pas le monde réel. Voilà, c'est une expérience de pensée physique. Hein, si le monde était comme ça et s'il s'était formé selon ces lois de la nature là. » Alors, c'est quand même incroyable que dans le discours de la méthode qui a un fondement autobiographique, il nous explique qu'il faut le lire comme une fable. Il dit il faut le lire comme une fable et il faut en même temps le regarder comme le tableau de ma vie. C'est pas du tout pareil, une fable et un tableau de ma vie. Donc, je pense qu'il y a cette tension qui opère au niveau littéraire en même temps que philosophique dans le texte, c'est-à-dire qu'il faut garder une certaine réserve et en même temps en dire le plus possible. Et il faut rappeler que ce texte a d'abord pour vocation d'introduire un recueil d'études scientifiques. Hein. Et c'est comme une préface qui va à ses yeux souligner l'essentiel, donc l'apport de la méthode, dont il pense que la généralisation à tous les domaines du savoir constituerait un grand progrès. Mais il faut bien avoir en tête le caractère révolutionnaire quand même de sa démarche, parce qu'il va, ce faisant, saper toute l'autorité des anciens. Il va vous parler de la condamnation de Galilée, qui va en effet être lourdement condamnée. Descartes sait bien le risque qu'il prend en remettant en question l'héritage philosophique, métaphysique, mais aussi scolastique, dont lui-même est détenteur. Et il va, cette volonté de rendre le savoir accessible à tous et de refonder, parce que c'est une entreprise de reconstruction, en fait, le discours de la méthode, la pensée, quelque chose dont il mesure le caractère dangereux. Voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça que il faut dire beaucoup de choses, mais on ne peut pas être absolument explicite. Et en ce sens, vous avez raison de rappeler que Descartes dit très précisément, c'est un avis, c'est une préface à des essais de la méthode, donc à des textes scientifiques, hein, ce que nous appelons, enfin, et ce qu'il a choisi finalement comme titre d'appeler « discours de la méthode ». Donc, une préface, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, on ne va pas donner toute la méthode. Et Descartes, c'est un paradoxe intéressant du texte, Descartes n'est pas véritablement un théoricien de la méthode, c'est un praticien de la méthode. Il nous donne quelques règles de cette méthode pour tout de suite nous en montrer les résultats dans ces essais scientifiques qui suivent cette préface dite « Discours de la méthode ». On veut une science des résultats, enfin. Hein, on ne veut pas passer des années sur les bancs de l'université à apprendre la logique aristotélicienne pour rien. Il faut quelques règles simples qui sont immédiatement mises en pratique et dont Descartes nous présente des résultats extrêmement forts, extrêmement probants et qui en effet initient ce qu'on appelle science moderne et révolution scientifique moderne. Moi je suis vraiment du côté de Coiré quand il explique qu'au fond la révolution scientifique moderne c'est autant Descartes que Galilée, parce que c'est... Alexandre Coiré, oui, qui a écrit cet essai pour montrer du monde clos à l'univers infini, pour montrer la révolution induite par ces philosophes et ces scientifiques dans l'histoire des sciences. Et oui. C'est-à-dire que c'est quand même Descartes qui pose la notion de loi de la nature, qui fait disparaître la déesse nature et qui fait que voilà le monde devient beaucoup plus simple, beaucoup plus ordonné, comme ces échantillons scientifiques qui suivent la préface vont le montrer. Alors, on va écouter un autre extrait de ce discours de la méthode, donc ce qu'on appelle la préface aux ouvrages scientifiques qui vont suivre, enfin aux traités scientifiques. Cette fois-ci, alors, Descartes met en scène sa propre écriture, il raconte comment il en est arrivé à prendre la décision de décrire même ce livre, ce discours de la méthode, et il va préciser ce qu'il entend par méthode, car au fond, pour l'instant, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. J'étais alors en Allemagne, où l'occasion des guerres qui n'y sont pas encore finies m'avait appelé. Le commencement de l'hiver m'arrêta en un quartier où, ne trouvant aucune conversation qui me divertît, et n'ayant d'ailleurs par bonheur aucun soin ni passion qui me troublasse, je demeurais tout le jour enfermé, seul, dans un poêle, où j'avais tout le loisir de m'entretenir de mes pensées. Entre lesquelles, l'une des premières, fut que je m'avisais de considérer que souvent, il n'y a pas tant de perfection dans les ouvrages composés de plusieurs pièces et faits de la main de divers maîtres, qu'en ceux auxquels un seul a travaillé. Ainsi voit-on que les bâtiments qu'un seul architecte a entrepris et achevés ont coutume d'être plus beaux et mieux ordonnés que ceux que plusieurs ont tâché de raccommoder en faisant servir de vieilles murailles qui avaient été bâties à d'autres fins. Jamais mon dessein ne s'était étendu plus avant que de tâcher à réformer mes propres pensées et de bâtir dans un fond qui est tout à moi. Comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je me résolus d'aller si lentement et d'user de tant de circonspection en toutes choses que si je n'avançais que fort peu, je me garderais bien au moins de tomber. Même je ne voulus point commencer à rejeter tout à fait aucune des opinions qui s'étaient pu glisser autrefois en ma créance sans y avoir été introduite par la raison, que je n'eusse auparavant employé assez de temps à faire le projet de l'ouvrage que j'entreprenais et à chercher la vraie méthode pour parvenir à la connaissance de toutes les choses dont mon esprit serait capable. Avant d'en venir à l'examen des règles qui constituent cette méthode, Marie-Frédérique Pellegrin, et de comprendre comment Descartes ici entreprend une refondation radicale du savoir dans son ensemble, rien de moins, éclairez-nous sur le début du texte. Alors il raconte, il est en hiver, il fait froid, il est en Allemagne, et il se réfugie dans un poêle. Qu'est-ce que c'est un poêle ? Alors c'est une pièce bien chauffée, comme on en trouve trop peu en France à cette époque, hein, et donc on est bien content quand on en trouve une. Vous vous souvenez qu'à l'époque, Descartes est soldat, hein, et finalement, sa condition de soldat n'a pas l'air de l'occuper énormément, et il peut se retirer plusieurs jours pour méditer dans une pièce bien chauffée. Et là, on retrouve les curiosités de composition du discours de la méthode, car en réalité, dans ce poêle, il va se passer quelque chose que le discours de la méthode ne nous dit pas, c'est-à-dire une suite de songes qu'on appelle la nuit des Olympica, hein, qui se déroule le 10 novembre Précisément. Et dans ce, pendant cette nuit, Descartes fait une série de rêves qui vont déterminer sa conversion à la philosophie. Dans les récits de vie philosophique, c'est vrai qu'il y a une série d'éléments topiques. S'enseigner soi-même, l'autodidactie, le fait de rejeter ses maîtres, ça, il l'a dit. Et puis, il y a un moment très important qui doit arriver. C'est la conversion. On ne naît pas avec l'esprit philosophique. Il faut se convertir à un genre de vie philosophique. Donc, la nuit des Olympica, c'est le moment où Descartes a eu cette série de songes et qui l'ont déterminé à se convertir à la philosophie. Or, parmi ces songes, je reviens à la poésie, à un moment apparaît un livre qui est un livre de poésie et dont le poème, l'un des poèmes dont Descartes prétend se souvenir, commence par la question « Quel chemin suivrai-je en la vie ?» On retrouve encore la métaphore du chemin. Absolument. Et donc là, c'est un songe heureux. Il a fait d'abord deux songes un peu terrifiants. Et là, c'est un songe heureux qui est vraiment un songe de conversion, hein, un chemin de Damas. Voilà. Alors, quelle vie va-t-on mener, hein, la question socratique. Quel est le bon genre de vie? Quelle vie? Je suis soldat, là, en Allemagne. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, finalement? Et donc, il y a véritablement conversion. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le discours de la méthode situe le lieu, nous parle de ce fameux poil, mais omet les rêves, dit Olympica. Et je pense il en parlera plus tard. Il en parlera plus tard, mais je pense que c'est pour, justement, ne pas être accusé d'être un enthousiaste ou un illuminé. Oui, parce qu'il n'est pas anodin que la vérité lui vienne en rêve, quand même. Exactement. Et donc, on revient à notre adjectif cartésien du début, c'est-à-dire que c'est compliqué d'être cartésien. Et pour être cartésien, parfois, il faut une espèce de transe nocturne et des formes de conversion qui n'ont, a priori, pas grand-chose de rationnel. Simplement, ces songes vont lui enseigner qu'il y a une science universelle et que pour fonder une science qui soit universelle et non pas discipline par discipline, domaine par domaine, il faut une méthode elle-même générale. Et donc, vous voyez, de l'illumination, de l'enthousiasme, du rêve, va sortir l'esprit cartésien et son aspect méthodique. Je trouve ça quand même assez étonnant. Comme souvent, la méthode naît d'un fond soit chaotique, soit onirique. Sinon, il n'y a pas besoin de méthode si tout est déjà en place dès la naissance. Et ça, c'est vrai que Descartes insiste bien là-dessus. Alors, cette méthode, quelle est-elle? Il y a bien des règles à mettre en œuvre pour suivre la méthode. Ce que nous dit Descartes dans ce texte, dans ce qu'on a entendu, c'est qu'au fond, la véritable méthode, c'est comme un homme qui apprend à marcher seul. Oui. Alors, peut-être qu'avant de venir aux règles de la méthode, en effet, vous avez raison, il faut régler ce point, qui est quand même aussi une des caractéristiques majeures de ce beau texte. C'est la solitude du jeu cartésien. Hein, il est tout seul et constamment, dans les deux premiers mouvements du texte, on a une opposition entre la foule, la multitude, les docteurs, les maîtres, les nourrices, etc. Et puis, cet homme seul. Hein. Et effectivement, on a été jusqu'à le reprocher à Descartes, cette solitude, en parlant de solipsisme plus tard à propos des méditations métaphysiques. Mais quand on se convertit à la philosophie, on s'éloigne forcément du commun et il y a une forme de solitude qui est revendiquée très constamment dans le discours de la méthode. Alors elle est intéressante parce que, elle insiste sur la nouveauté, elle rend ce jeu plus autobiographique, mais en même temps, elle le rend plus universel, parce que la conversion, elle est individuelle pour Descartes. Donc quand Descartes dit « je suis comme un homme seul dans les ténèbres », quand il dit « vous savez, ma méthode, c'est la mienne, bon, je vous la présente comme ça, mais il est bien entendu qu'elle ne vaut pas pour tout le monde et qu'elle n'est pas efficace pour tout le monde », quand il dit ça, il faut relativiser, parce que ce jeu... Il nous permet quand même une identification. Il nous permet des modes d'imitation. Si ce type qui nous dit, finalement, moi, j'avais un esprit plutôt médiocre au départ, a réussi à faire tant de choses, pourquoi pas nous? Donc, je trouve intéressant aussi dans ce jeu apparemment très solitaire, le caractère d'exemple, exemplaire, modèle qu'on doit imiter sans imiter parce que de toute façon, la philosophie n'est pas affaire d'autorité. Je ne peux pas lire Descartes et devenir philosophe. Il y a quelque chose qui, en effet, est de l'ordre de la conversion personnelle. Donc, oui, c'est un exemple. Oui, il a quand même quelque chose d'exemplaire. Hein, tout le monde ne se convertit pas à la philosophie de la manière dont le fait René Descartes. Mais, en même temps, chacun devra remettre à plat toutes ces idées, suivre ce cheminement très lent qu'on a décrit tout à l'heure, pour éventuellement atteindre à de grandes choses intellectuellement. Je trouve que ce jeu solitaire, il est quand même très inclusif, et il est quand même très paradoxal, parce que, encore une fois, en effet, il faut se distinguer des autres, de ce qui se fait, il ne faut pas avoir peur de la nouveauté et de penser par soi-même, bien entendu, mais en même temps, ce jeu est inclusif. Dans la suite de la semaine, vous serez amené à le développer. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans le discours de la méthode un appel à des collaborations, au développement d'une science nouvelle collective. Donc il y a des formes de collectif qui sont très importantes au fur et à mesure que le discours de la méthode se déploie. Mais c'est vrai qu'au départ, on est tout seul. On est tout seul. Avant de passer aux règles de la méthode, si vous me le permettez, je dirais aussi un mot de quelque chose qui me frappe dans ces deux premiers mouvements du discours de la méthode, c'est les rapprochements constants avec la politique. Parce que quand on est seul, on ne parle pas de politique. Alors la plupart des références à la politique sont des formes de rejet. Je ne suis pas de ceux, je déteste les humeurs brouillonnes de ceux qui croient qu'ils peuvent faire des grands systèmes politiques alors qu'ils ne sont pas appelés à gouverner. C'est totalement ridicule. Si j'arrive à me réformer moi-même, ce sera déjà énorme et c'est tout le chemin d'une vie. Donc la politique est convoquée très régulièrement dans ces deux premiers mouvements pour s'en distinguer. Cependant, pourquoi tout le temps faire cette comparaison avec la politique? Si ce n'est parce que, au fond, il a un grand projet collectif. Il a une volonté de réformer toute la société par la médecine nouvelle, par la morale nouvelle, par la mécanique nouvelle. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est collectif chez Descartes, et malgré ce thème de l'homme seul dans les ténèbres du début, me semble-t-il. Et Pierre Ganancier en a fait un ouvrage d'ailleurs sur le Descartes et la politique. Alors, la méthode. Quelques mots, alors c'est peut-être l'aspect un peu plus technique, mais au moins dire quelque chose de cette méthode. Est-elle une méthode formelle, c'est-à-dire au gros appliquer les mathématiques à la vie et à l'existence, ce que Descartes souhaite en partie faire, ou bien est-ce que c'est une méthode qui justement procède plus au cas par cas, qui va énoncer différentes règles de manière à ce que nous puissions convoquer ces règles en fonction de la situation que nous vivons? Oui, alors donc nous sommes bien d'accord déjà qu'il ne s'agit pas de la méthode de Descartes. Elle était déjà beaucoup plus détaillée dans l'ouvrage non publié qui s'appelle « Les règles pour la direction de l'esprit ». Donc on a quatre règles qui sont présentées dans le discours. Et donc, elles doivent tout de même, puisque nous sommes accueillis et on nous demande de faire partie de ce mouvement de constitution de la science nouvelle, ça veut dire que ces quatre règles en elles-mêmes vont quand même me mettre sur le bon chemin si je les suis. Ce ne sont pas toutes les règles de la méthode cartésienne, mais il faut que ces règles soient suffisamment fondatrices et directrices pour que je puisse me convertir à cette nouvelle philosophie. Donc, effectivement, elles ont plusieurs caractéristiques. C'est vrai que Descartes nous a dit peu avant qu'il veut se détacher de la logique de l'école, avec un E majuscule, donc de la logique de type aristotélicien, que donc on va pas exposer toute une longue logique avant de se mettre en chemin. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de neuf dans ces règles de la méthode. Ces règles de la méthode, elles sont intéressantes d'abord parce que elles sont simples. Et leur aspect, c'est vraiment un tout petit paragraphe qui nous les présente toutes les quatre, leur aspect n'est pas intimidant comme si j'ouvrais un traité de logique scolastique. Donc il y a la règle d'évidence. Alors cette première règle est très importante parce que elle fonde ce que c'est que le vrai chez Descartes. Et elles éliminent tout un pan du connaître qui est le probable. Et finalement, le probable, ça nous permet la plupart du temps de nous diriger, tout de même. Et puis, il peut y avoir du hautement probable. Réintroduira le probable ensuite, quand il parlera des règles pour suivre la morale et non pas la méthode. Exactement, exactement. Mais du champ scientifique, le probable était exclu. Même le très, très, très hautement probable, ce n'est pas du vrai. Donc, on prend ses précautions et on est circonspect, dit Descartes, et on élimine toute forme de probable. C'est la première règle, la règle de l'évidence, ou dite aussi règle de la certitude, même s'il y aurait lieu peut-être de distinguer entre les deux termes. Et vous avez remarqué que cette première règle dite de l'évidence, qui exclut du vrai toute forme de probable, s'accompagne d'une règle de vérité. comment est-ce que, du coup, je sais que quelque chose est vrai? Je sais que quelque chose est vrai si il est clair et distinct. Ça, c'est la règle de vérité cartésienne qui sera ensuite poursuivie et refondée, reposée dans les méditations métaphysiques. Est vrai ce qui est clair et distinct. Hein. Donc, on n'est plus dans le principe de non-contradiction aristotélicien. Enfin, le principe de vérité n'est plus le même chez Descartes. À partir de là, je peux élaborer des jugements vrais, à partir de cette règle. Donc là, voilà, on est déjà lancé dans la science. Première règle, dites-nous. Deuxième règle, oui. La règle de l'analyse. On la connaît tous, hein, puisque souvent quand on parle d'esprit cartésien, on pense à ça. C'est-à-dire décomposer les difficultés en éléments plus simples. Troisième règle, la règle de l'ordre. Il faut que mes pensées suivent un ordre. Même si je trouve quelque chose de génial, comme ça, et que ce n'est pas pris dans des chaînes de raison, des chaînes argumentatives, des chaînes démonstratives, cette vérité va rester isolée. Elle ne va pas donner toute sa fécondité. Et donc, l'ordre est un élément essentiel de la méthode cartésienne. Cet ordre, là aussi, je veux me distinguer absolument de la méthode de type scolastique. Cet ordre, c'est ce qu'on appelle l'ordre des raisons, qui s'oppose à l'ordre des matières. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, on va du simple au complexe, on suit une chaîne démonstrative, hein, sans tenir compte d'un agencement extérieur. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a décrit souvent la méthode cartésienne comme une méthode d'invention. Hein. Elle doit en elle-même nous permettre d'inventer. Et enfin, quatrième règle, la règle de révision, ce qu'il appelle le dénombrement. Hein, c'est-à-dire que, comme j'ai une chaîne de raison, je dois pouvoir revenir sur chaque maillon pour être sûr de leur solidité. Hein. Donc, si on jette un regard un peu synoptique sur ces quatre règles... Donc la règle 1, l'évidence, 2, l'analyse, 3, l'ordre, 4, la révision. Si on applique ces quatre règles, on est assuré de suivre une bonne méthode qui nous conduit à quoi ? Marie-Frédérique Pellegrin, à bien raisonner, à bien vivre, à bien s'orienter, à bien connaître ? Tout cela à la fois. D'abord, comme vous le savez, Descartes est obsédé par l'erreur. Comment se fait-il qu'on se trompe ? On a du bon sens. Dieu ne peut pas nous avoir donné une nature fautive. C'est pas possible. Comment se fait-il qu'on se trompe ? Le péché originel n'est jamais une explication chez Descartes. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'erreur ? Eh bien, l'erreur est éliminée par ces quatre règles très simples. Et ces quatre règles très simples, c'est peut-être pas la méthode entière de Descartes, mais c'en est bien la quintessence. Parce que, en fait, finalement, elle contient tout ce que doit faire un esprit méthodique, c'est cet échantillon de méthode. Mmh. Puisque vous avez à la fois des techniques d'analyse, l'obsession de l'ordre, et une règle de vérité qui me guide à chaque pas. Donc, vous voyez, encore une fois, ce n'est pas la méthode entière, mais j'ai tout ce qu'il me faut pour être en confiance. Pour ne pas me tromper. C'est absolument. Ça le but, c'est ça que vous dites, en fait. Alors, pour ne pas me tromper. Pour fuir l'erreur. Mais fuir l'erreur, ça c'est un peu le côté platonicien de Descartes, fuir l'erreur, c'est aussi bien vivre. Entre l'intellectuel et le moral, il y a évidemment des connexions très fortes. C'est-à-dire que être dans l'erreur, c'est être malheureux. Hein. Et donc, à partir du moment où je suis sur le bon chemin, je vais tout doucement, mais la vie prend un sens. Je me sens épanouie de chaque vérité, de chaque chaînon que je forge. Mais alors, on parlait de l'aspect révolutionnaire de Descartes et de ce texte. On l'entend dans ces quatre règles, parce qu'au fond, ce que Descartes nous dit, c'est que le principe de la vérité se trouve en nous. Absolument. Qu'il n'est pas en Dieu, qu'il n'est pas dans la nature, qu'il ne tient qu'à moi d'accéder à la vérité en sachant me servir, utiliser, mobiliser mes propres capacités intellectuelles. Alors, il faut quand même nuancer, parce que, comme vous le savez, sans la garantie divine, je peux entièrement rêver ma science. Hein, ça ne m'empêche pas du tout de faire œuvre scientifique, d'élaborer des démonstrations, que Dieu me trompe. Mais effectivement, pour s'assurer de leur véracité à ces démonstrations, il nous faudra un Dieu garant, un Dieu vérace, qui est beaucoup plus explicite dans les méditations que dans le discours de la méthode. Même si, évidemment, il sera présent et nécessaire. Quoi qu'il en soit, dans les deux premiers mouvements du discours de la méthode, c'est vrai que je me mets tout seul en chemin. Alors, c'est assez ténébreux. Hein, l'environnement n'est pas spécialement accueillant, mais voilà, je suis sur un chemin avec ces quatre règles. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que je suis sûre de ne plus me fourvoyer. Donc, là aussi, il y a quelque chose de très optimiste dans ce texte. Hein. D'optimiste ? Bah oui, parce que de très, encore une fois, de très accueillant. Encore une fois, on n'ouvre pas, on va pas ouvrir un traité de logique scolastique. Hein, qui est quelque chose de quand même très très rébarbatif. Là, après tout, aller au simple, débrouiller les difficultés en difficultés plus simples, suivre un ordre, tout cela rencontre le bon sens. Il y a une réconciliation entre ma faculté native et la méthode nouvelle proposée tout de même. Alors on peut quand même se poser la question, en vous écoutant et en lisant ce texte, dont on continuera la lecture les jours suivants, quelle place Descartes fait-il à la philosophie ? Parce qu'au fond, c'est un voilà, on l'a dit, c'est une préface à des traités scientifiques. Il met au point une méthode qui lui permet de ne pas se tromper. On sent l'exigence scientifique quand même derrière. Il n'y est question, en tout cas pour l'instant, ni de Dieu, ni de réflexion métaphysique sur le sens de l'existence. Pourquoi finalement ce texte-là pourrait être considéré comme un ouvrage de philosophie ? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, au début, quand Descartes décrit ses études, on a l'impression que la philosophie est une matière parmi d'autres. Mais petit à petit, on se rend compte que chaque fois qu'il réfléchit aux insuffisances de ce que lui a apporté son éducation, il y a toujours la question de la philosophie qui est sous-jacente. C'est-à-dire, au fond, pourquoi y a-t-il plusieurs philosophies ? Pourquoi des gens très savants, de grands philosophes, disent des choses aussi contraires, voire des choses extravagantes, dit-il à un moment. Il y a toujours cette question sous-jacente. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur ce que c'est que la philosophie ? Et dans le discours de la méthode, il y a quand même quelque chose qui annonce la préface au principe de la philosophie, c'est-à-dire une grande réconciliation entre deux manières de concevoir la philosophie comme sagesse et la philosophie comme science. Oui, on le lit dans la lettre préface au principe, donc 1644, ce mot de philosophie signifie l'étude de la sagesse, et par la sagesse on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts, et plus loin, vivre sans philosopher, c'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir. Exactement. Exactement, c'est être guidé par quelqu'un comme le serait un aveugle. Donc, réconciliation de la sagesse et de la science. Le discours de la méthode le fait déjà. Hein. Je raconte ma vie, je suis un sage, donc raconter ma vie est déjà un enseignement. Hein. Socrate n'a rien écrit, il n'y a pas besoin d'écrire, il faut vivre et que quelqu'un raconte le récit de votre vie et ce récit démontrera la sagesse qui vous habite. Donc, une vie de sage, mais ce sage, il est là pour une révolution scientifique. Donc là, il n'y a plus lieu de se dire qu'il y a tension entre deux définitions de la philosophie. Avec le discours de la méthode, les deux définitions traditionnelles de la philosophie, plutôt sagesse ou plutôt science, sont réconciliées. Et encore une fois, ce récit autobiographique est très important. Parce qu'on a effectivement fait de Descartes quelqu'un qui considère la philosophie comme une science. Elle est une science au sens où il n'y a plus de probable et il n'y a que du vrai, bien sûr. Elle est une science au sens où nous avons une méthode où les mathématiques jouent un rôle important. Mais c'est une sagesse avant toute chose. Comme vous le disiez tout à l'heure, on veut bien vivre. On veut vivre jusqu'à 150 ans. On veut que notre corps ne soit pas souffrant. On veut comprendre comment fonctionne la nature et y adapter et développer des techniques. Donc, si vous voulez, l'enjeu, c'est ma vie. Hein, l'enjeu, c'est pas simplement découvrir telle ou telle comète ou la propriété des aimants. C'est ça, en fait, le souci qui guide Descartes, et ça on le voit tout au long du discours de la méthode, c'est l'application pratique de cette méthode. C'est pas simplement un souci formel, logique, cohérent, qui me permettrait de fuir l'erreur théorique. C'est comment appliquer cette méthode à chaque instant de mon existence. Exactement. Le discours de la méthode, c'est une volonté de rendre la méthode vivante et opérationnelle. efficace, d'où ces essais qui suivent immédiatement pour montrer la portée de cette méthode. Et du coup, je pense que ça nous permet de revenir au rôle des mathématiques qui est très ambigu chez Descartes. Descartes, comme on le sait, est un immense mathématicien. Et finalement, son essai le plus solide dans les trois essais de la méthode qu'il nous propose, c'est celui qui porte sur les mathématiques. Hein. Descartes a révolutionné le langage mathématique, la conceptualisation en mathématiques. C'est un immense mathématicien. Mais les mathématiques, chez Descartes, ne font pas partie de l'arbre de la philosophie dans la préface des principes de la philosophie. C'est-à-dire que c'est pas une science en tant que telle, c'est un outil de la science. Le tronc, hein, les racines sont métaphysiques. Le tronc de son arbre de la philosophie, c'est la physique. Où sont les mathématiques? Elles ne sont pas dans cet arbre de la philosophie, parce que les mathématiques, Descartes le dit dans les deux premiers mouvements du discours, c'est un outil, c'est quelque chose qui sert à la physique, c'est-à-dire à la pratique scientifique, mais en soi, raisonner sur des objets abstraits, c'est rester dans un état infantile. C'est s'amuser un petit peu à la manière des mathématiciens. Et lui, ce qu'il veut faire, c'est de la physique, c'est de la médecine, c'est de la mécanique. D'où le mot méthode. Méthode, c'est toujours méthode en vue de quelque chose. Exactement. Donc, les mathématiques traitent d'objets abstraits. Descartes veut traiter d'objets concrets. C'est la méthode cartésienne, la méthode française. Merci beaucoup Marie-Frédérique Pellegrin d'être venue nous parler de Descartes aujourd'hui et de nous donner envie de lire ce discours de la méthode jusqu'à jeudi. On peut lire de vous en attendant. Alors vous avez fait une édition des Méditations métaphysiques auxquelles on avait déjà consacré une série aussi au chemin de la philosophie mais qui est au programme de l'agrégation, donc bon courage à ceux qui la passent. Et ce qu'on dit sur le discours de la méthode est sans doute utile pour travailler le texte qui paraîtra quelques années plus tard que sont les Méditations métaphysiques. On peut lire aussi Élisabeth de Bohême face à Descartes, deux philosophes pour l'interrogation. C'est un ouvrage collectif que vous avez co-dirigé avec Delphine Mahut aux éditions Vrin. Et votre dernier livre paru est aussi un ouvrage collectif, Poulain de la Barre, Égalité, Modernité, Radicalité, aux éditions Vrin. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, la méthode française continue avec les Parisiennes et Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui avec vous, un peu de littérature pour commencer la semaine. Oui, je vous propose de vous évader dès ce lundi en lisant. Alors je sais bien que ça peut faire un peu cliché de le dire comme ça, que c'est un lieu commun de rappeler que la littérature nous fait voyager. Mais pourtant, il y a un écrivain à qui cela s'applique particulièrement bien, c'est Jules Verne. All topped off by the maddest monkey shine you ever saw. Flee with them from the slave markets of Zanzibar. Ride out the dreaded simoon of the Sahara. Penetrate the dungeon of the doom. Enter the forbidden city of Timbuktu. And have the time of your life in the wildly exciting, wonderfully thrilling, deliriously funny comedy adventure. So come with me and you will see why I'm happy as can be. 20 000 lieues sous les mers, de la Terre à la Lune, le tour du monde en 80 jours, ou comme on l'entend, 5 semaines en ballon, autant de péripéties, d'aventures, de voyages qu'a proposé Jules Verne et qui ont séduit plusieurs milliers de lecteurs, dont le philosophe Pierre Macheret. Spécialiste de Spinoza, mais aussi auteur d'études de philosophie littéraire, grand connaisseur de Proust, Macheret consacre tout un essai, tout juste paru, à cet écrivain qu'on associe pourtant très peu à la pensée. Divertissant, en témoigne le nombre assez fou d'adaptations télévisuelles, musicales, radiophoniques et bien sûr cinématographiques, conformiste dans le traitement des sujets de son époque, qu'il s'agisse de l'industrie ou des avancées de la technique et de la science, auteur jeunesse, d'abord lu par les enfants, créateur de personnages sans grande substance, ce sont les quelques préjugés qui collent à la peau de Jules Verne, faisant de lui un simple écrivain, pour reprendre le terme de Roland Barthes. Alors, que peut lui trouver Pierre Macheret ? Quel motif, quelle ampleur philosophique se dégage selon lui de ses voyages extraordinaires ? Si la littérature fait voyager, Jules Verne, en se contentant de raconter des périples à travers le monde, ne serait-il pas, en fait, trop littéral ? Dès son introduction, Pierre Macheret le dit, le motif principal dans l'œuvre de Jules Verne, c'est bien le voyage, mais c'est plus précisément le voyage à travers l'espace du monde. On peut appeler ça voyage, mais on pourrait aussi parler de mouvement, de déplacement, de chemin, de traversée, de pénétration, de tours et détours, de déviation, etc., etc. L'idée, ce n'est pas tant le voyage d'un point A à un point B suivant un plan, mais le voyage en tant que trajet. Reprenons une phrase de l'archéologue Leroy Gourhan qui parle des chasseurs préhistoriques qui, je cite, s'orientent le long d'un trajet plutôt que sur un plan, Macheret nous livre la clé philosophique de l'œuvre de Verne. Parce que ces personnages n'existent qu'en mouvement à travers les airs, la terre et la mer, il nous révèle que vivre, c'est d'abord occuper l'espace, c'est le parcourir, y prendre position, l'habiter. De là apparaît toute la profondeur de Jules Verne, une philosophie de l'être au monde qui s'incarne à travers des trajectoires, des ratés, des allers-retours, des quêtes de territoire et des explorations de soi. Nous voguions vers le sud. Tout le monde était surexcité. Chaque homme à bord était sur le qui-vive, et les vigies se relayaient jour et nuit. Sans tenir compte de son opinion personnelle sur la question, le commandant Farragut ne laissait rien au hasard. Avec cet esprit consciencieux qui la caractérise, la marine avait décidé de partager le Pacifique Sud en zones, et de fouiller chacune d'elles. Passer dessus, regarder de haut, tout au bout, plus bas, plongé dans l'inconnaissable, ce sont quelques-uns des mouvements qu'effectuent les héros de Jules Verne et qu'analyse dans ce livre Pierre Macheret. Ce sont aussi autant de mouvements que nous contemplons, nous lecteurs immobiles devant notre page comme les passagers du Nautilus, au chaud et pourtant actifs à parcourir le monde. Nous sommes nous aussi les passagers des romans de Jules Verne, spectateurs, explorateurs, nous nous projetons dans l'espace du livre. Alors si une philosophie de l'être au monde se déploie à travers les voyages extraordinaires du capitaine Nemo, Ferguson, Lindenbrock et autres personnages verniens, cette philosophie prend aussi toute sa forme à travers les pages et les lignes que nous parcourons à notre tour et qui ont été tant et tant explorées par d'autres lecteurs en quête d'un espace imaginaire. Jules Verne, c'est aussi l'écrivain préféré de Michel Serres. Il était venu en parler à ce micro. Merci Géraldine. Alors ce livre de Pierre Macheret ? Tout simplement En lisant Jules Verne, de l'incidence éditeur, c'est un très beau livre. Eh bien, on mettra les références en ligne sur le site du Journal de la Philo. On pourra également réécouter cette chronique. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Isis Jourda, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Élise Leu qui est à la prise de son aujourd'hui, Thibaut de Montalembert à la lecture des textes cartésiens. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le discours de la méthode de Descartes. Demain, nous serons en compagnie du philosophe Denis Moreau à qui je poserai une question que Descartes se pose dans ce texte. Vaut-il mieux changer nos désirs que l'ordre du monde ? Réponse demain à 10h précise. Nous, on sera là. Vous, d'ici là, vous restez à l'écoute sur France Culture et vous pouvez également réécouter cette émission en vous rendant sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez et apprendre la bonne méthode pour bien philosopher. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.